Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Alors du coup, là on se retrouve, on est place du Carrousel, on est face à la pyramide du Louvre et on est dos au jardin des Tuileries. Là il fait froid, on est en plein mois de février, en pleine tempête. Donc l'histoire de ce baiser, c'était plutôt en plein mois de juin, il faisait chaud. C'est marrant parce que j'étais un peu habillée pareil, j'avais aussi une jupe noire et tout. Et en fait c'était un premier rendez-vous, c'était un rendez-vous Tinder. Avec quelqu'un, on discutait un petit peu, on s'était donné rendez-vous et c'était une soirée assez magique. Assez magique dans le sens où... c'est très bizarre, mais ça m'a surpris parce que c'est quelqu'un qui a tout payé de toute la soirée. Mais c'était assez dingue. On a d'abord fait un bar à cocktail avec un vrai bar à cocktail. Le cocktail coûte bien 16 euros. On a bien pris deux chacun, c'était super cher. Après, on s'est fait un petit resto, genre ceviche argentin, pareil, avec un truc, je crois qu'il a payé 150 balles de restaurant. Ah oui, quand même. Et après, on a marché, on était dans Châtelet, jusqu'à un glacier. On s'est pris une petite glace et puis après, c'était hyper romantique parce qu'on a remonté les quais de Châtelet jusqu'à ici, pyramide, en mangeant notre petite glace et tout. Et en fait, ce baiser, il aurait pas dû avoir lieu ici. Parce que quand on était en fait au feu rouge qui est de l'autre côté rue de Rivoli, juste pour traverser pour venir ici, j'avais eu genre très envie de l'embrasser et dans ma tête je me suis dit non mais attends, ça va être beaucoup plus romantique devant la pyramide du Louvre, ça fait des beaucoup plus beaux souvenirs et tout. Et en fait c'est un peu drôle parce que à chaque fois je pense à ça, je pense à ce baiser, je me dis non mais en fait le vrai il aurait pas dû avoir lieu ici, tu vois. Et c'est vrai que c'est hyper beau d'être dans cet endroit là. Là, il fait nuit, c'est brillant et tout, c'est super joli. Et c'était un bon souvenir. Et pour revenir sur cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui était d'une galanterie extrême. Ouais. C'est-à-dire qu'il t'ouvrait les portes, il payait tout, mais genre, il payait, je pouvais même pas voir le montant du ticket, j'avais même pas le temps de dire quoi que ce soit, que de toute façon, c'était payé. Et c'était vachement gênant au début. Parce que t'as pas trop l'habitude de ça dans les rendez-vous Tinder, t'es plutôt les petits montants, moi en gros les petits montants j'accepte que l'homme y paye, mais quand ça commence à être des gros montants ça devient un peu inconfortable. Et en fait au final après j'y ai pris goût bizarrement. Et tu vois c'est quelqu'un genre il t'ouvrait les portes, il attendait que tu t'assoies en premier, après il s'asseyait. Sur un trottoir où par exemple il y avait des travaux, on n'avait pas la place à passer à deux, et il s'arrêtait pour que je passe en premier. Au début c'était vraiment très bizarre et en fait à la fin c'était tellement agréable cette galanterie, et ça m'a fait vraiment changer d'avis sur la galanterie. Et c'est quelqu'un que je regrette beaucoup parce que il voulait attendre, tu vois. Alors c'est un peu bizarre, il était sur Tinder et en même temps il voulait pas qu'il y ait de concrétisation intime. Ouais. Et moi j'avais pas trop envie d'attendre, j'ai un peu poussé et je pense que c'est pour ça que la relation elle a périclité quoi. Et du coup je regrette beaucoup. Ça a duré combien de temps, c'est pas indiscret? Ça a duré un mois. Ouais. Ça a duré un mois. Bon, en soi, il me dit que... Enfin, ce qu'il m'avait dit, c'était que ça s'était fini pour des raisons personnelles, parce qu'il avait des problèmes familiaux et tout. Mais en fait, je pense que... Il a vu que moi, j'étais pas trop câblée de la même façon que lui. Mais c'était quelqu'un que je recroisais souvent parce qu'il habitait sur le chemin que je prenais pour aller bosser, ouais, à mon ancien boulot. Et du coup, tu sors du train, t'as la tête dans le cul, et là, tu tombes sur lui, tu fais putain. Chaque fois, ça te faisait un peu mal. Mais c'était un très beau premier baiser. Et c'était moi qui l'avais entrepris, surtout. Oh, c'est bien. Je crois, ouais. Mais parce que j'étais un peu... J'attendais que ça depuis le feu rouge, quoi. Mais ouais. En tout cas, non, c'était... Ça m'a fait un peu changer d'avis sur la galanterie. C'est vrai que du coup, maintenant, les mecs qui sont pas très galants, je les juge plus vite, quoi. Avant, c'était l'inverse, quoi. Maintenant, j'attends qu'un mec soit galant et du coup, j'attends. Je peux attendre longtemps encore. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Paris sur la bouche.